الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. On continue la lecture du livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam, un livre de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah et une explication de Sheikh al-Bassam rahimahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on avait entamé le chapitre du jeûne Kitab al-Siyam et on avait expliqué le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu qui se propose pour nous le réciter. Tafadhal. إلا رجل كان يصوم فليصمه. أحسنت. رواه البخاري ومسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الخامس والسبعون بعد المئة. Le 175e حديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه البخاري ومسلم. Selon Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, il dit, j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire, lorsque vous la voyez jeûner et lorsque vous la voyez rompez, et lorsque une chose s'interpose, alors estimez-le. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Lorsque vous la voyez, c'est-à-dire la lune, jeûnez, et lorsque vous la voyez, rompez. Et si une chose s'interpose, c'est-à-dire entre vous et la vision de la lune, alors estimez. Et on va expliquer tout cela, inshallah ta'ala. قال الشيخ البسام رحمه الله الغريب غم عليكم بالبناء للمجهول استتر عليكم بحاجب من غيم وغيره غم بضم الغين المعجمة وتشديد الميم فاقدروا له يعني قدروا له الحساب فأكملوا عدة شعبان 30 يوما وقيل معناه اقدروا ضيقوا بأن يضيق على شعبان بأن يضيق على شعبان فيجعل 29 يوما وعلى هذين التفسيرين حصل الخلاف الآتي ويجوز الضم والكسر في الدال اقدروا له وقوله فصوموا يريد أن ينوي الصيام والتبيت تلك النية إلى الغد وكذلك في قوله فأفطروا. Les termes qui méritent explication dans le hadith. غم عليكم. Ici, il y a une chose qui s'interpose, c'est-à-dire des nuages ou autres qui viendraient vous empêcher de voir la lune. Alors, فقدروا له. C'est-à-dire estimer en comptant, c'est-à-dire terminer le mois de Sha'ban en le considérant étant un mois de 30 jours. Et d'autres savants ont considéré uqduru, c'est-à-dire rétrécissez le mois de Sha'ban et considérez-le 29 jours. Et selon ces deux explications, il y a le khilaf des savants connus qui va être cité par la suite. Et il est autorisé de dire faqduru lahu comme il est autorisé de dire faqdiru lahu. Il est autorisé de mettre le dhamm sur le dal ou de mettre al-kasr. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous la voyez idha ra'aytumuhu fasumu, lorsque vous la voyez jeûner, c'est-à-dire d'avoir l'intention de jeûner jusqu'au lendemain. Et vous savez que cela est une condition du jeûne d'avoir l'intention de jeûner la nuit qui précède. Et la même chose pour Al-Fitr. Fa'aftiru, rompez, eh bien, la veille de l'Eid ou la nuit qui précède l'Eid, la personne dort en ayant l'intention de rompre le jeûne le lendemain. المعنى الإجمالي أحكام الشرع الشريف تبنى على الأصل فلا يعدل عنه إلا بيقين ومن ذلك أن الأصل بقاء شعبان وأن الذمة بريئة من وجوب الصيام ما دام أن شعبان لم تكمل عدته 30 يوما فيعلم أنه انتهت أو يرى هلال رمضان فيعلم أنه دخل ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أناط صيام شهر رمضان وفطره برؤية الهلال فإن كان هناك مانع من غيم أو قتر أو نحوهما أمرهم أن يقدروا حسابه وذلك بأن يتم شعبان 30 ثم يصوموا لأن هذا بناء على الأصل بقاء ما كان على ما كان. Le sens général du hadith. Les jugements de la religion sont basés sur l'origine. L'on ne dévie de l'origine qu'avec certitude. La base est donc l'existence du mois de Sha'ban et que le jeûne du Ramadan n'est pas obligatoire. Tant que le mois de Sha'ban n'est pas complet, c'est-à-dire lorsque l'on a le nombre de jours du mois de Sha'ban n'a pas atteint les 30, dans ce cas, lorsque le mois de Sha'ban atteint 30 jours, on sait avec certitude que le lendemain sera le premier jour de Ramadan. Ou de voir la lune, le croissant de Ramadan. Dans ce cas, on est persuadé que le mois du Ramadan est entré. Donc, lorsque l'on est dans le mois de Sha'ban, il y a deux façons d'être sûr de jeûner. Soit le mois de Sha'ban est de 30 jours, ou soit l'on voit le croissant de lune de Ramadan. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait que le jeûne du mois de Ramadan ainsi que le fitr, la fin du mois du Ramadan, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié tout ça à la vision du croissant de lune. Et s'il y a un quelconque obstacle, que ce soit un nuage ou de la poussière atmosphérique ou autre, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de compter, c'est-à-dire de compléter le mois de Sha'ban 30 jours, puis de jeûner le mois de Ramadan. Car tout ceci est basé sur la règle qui dit « Baqa'u makan ala makan ». Ce qui existe reste comme il est, jusqu'à ce que l'on ait la certitude que cette chose n'est plus comme elle est. اختلاف العلماء اختلف العلماء في حكم صيام يوم 30 من شعبان إذا كان في مغيب الهلال غيم أو قطر أو نحوهما من الأشياء المانعة لرؤيته فالمشهور من مذهب الإمام أحمد الذي قال كثير من أصحابه إنه مذهبه هو وجوب صومه من باب الظن والاحتياط واستدلوا على ذلك بقوله فاقدروا له وفسروها بمعنى ضيقوا على شعبان فقدروه 29 يوما وهذه الرواية عن الإمام أحمد من المفردات وهي مروية عن جملة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يجب صومه ولو صامه عن رمضان لم يجزئه واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال المنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد على هذا وقال صاحب الفروع لم أجد عن أحمد صريح الوجوب ولا أمر به ولا يتوجه إضافته إليه واختار هذه الرواية من كبار أئمة المذهب أبو الخطاب وابن عقيل ودليل هذا القول ما رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ومن هذا الحديث وأمثاله تبين أن معنى فاقدروا له يعني قدروا حسابه بجعل شعبان 30 يوما. وقد حقق ابن القيم هذا الموضوع في كتابه الهدي، ونصر قول الجمهور ورد غيره، وبين أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة قول صريح إلا عن ابن عمر الذي مذهبه الاحتياط والتشديد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إجاب صوم يوم الشك لا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه، وإن كان بعضهم قد اعتقد أن من مذهبه إجاب صومه، ومذهبه الصريح المنصوص عليه هو جواز فطره وجواز صومه، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب كثير من الصحابة والتابعين، وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم. La divergence des savants. Les savants ont divergé sur le jugement du 30e jour de jeûner, le 30e jour de Sha'ban, lorsqu'un obstacle vient empêcher la vision du croissant de lune. Ce qui est rapporté, ce qui est connu dans le madhhab de l'imam Ahmad, au point que beaucoup des compagnons de l'imam Ahmad ont dit que c'est son avis, est l'obligation de jeûner ce 30e jour de Sha'ban par précaution. Et ils ont utilisé pour preuve le hadith d'Abdullah ibn Umar, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faqduru lahu », alors estimez-le, dans le sens de rétrécissez le mois de Sha'ban. On a dit que les savants ont expliqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Faqduru », certains ont dit c'est compléter le mois de Sha'ban 30 jours, et d'autres ont dit non, c'est rétrécissez. Donc le premier avis ici cité, ceux qui disent que il faut jeûner le 30e jour de Sha'ban, car la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqduru, c'est-à-dire rétrécissez Sha'ban et estimez donc le mois de Sha'ban à 29 jours. Et c'est un avis qui a été rapporté dans une des versions de l'imam Ahmad, rahimahullah, et c'est également ce qui a été rapporté par certains compagnons, parmi eux Abu Huraira, Ibn Umar, Aisha et Asma, radiyallahu anhum. Et la majorité des savants, parmi eux les imams Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, disent qu'il n'est pas obligatoire de le jeûner, et que quand bien même ce jour était jeûné, il ne serait pas comptabilisé. Et cet avis a été choisi également par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui dit que beaucoup de paroles viennent prouver que c'est également l'avis de l'imam Ahmed. Sahib al-Furu', qui est un livre dans le madhab de l'imam Ahmed, a dit, donc son auteur a dit qu'il n'a pas trouvé une parole de l'imam Ahmed qui prouve l'obligation de jeûner ce 30e jour. Et d'autres grands imams du madhhab Hanbali, comme Abu al-Khattab et Ibn Aqil, sont de l'avis que ce jour ne doit pas être jeûné. Et la preuve de la majorité des savants, à savoir de considérer le mois de Sha'ban comme étant 30 jours lorsque une chose s'interpose et empêche la vision du croissant de lune de Ramadan, et le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jeûnez lorsque vous la voyez et rompez lorsque vous la voyez, et si une chose s'interpose, c'est-à-dire entre vous et la vision du croissant de lune, alors complétez le mois de Sha'ban 30 jours. » Alors, complétez le mois de Sha'ban de 30 jours, qui est un hadith extrêmement clair et authentique. Et ce n'est pas le seul, comme l'a dit Cheikh Al-Bassam, et de ce hadith et bien d'autres, il apparaît clairement que le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqduru lahu, alors estimez-le, c'est-à-dire comptez le mois de Sha'ban 30 jours. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a étudié avec minutie ce sujet dans son livre Al-Hadi et a soutenu l'avis de la majorité des savants et a répondu à l'autre avis. Donc l'avis de la majorité des savants qui est de compléter le mois de Sha'ban 30 jours. Et notamment l'imam Ibn al-Qayyim, durant son exposé, a prouvé que il n'y a pas de parole claire qui prouverait le premier avis provenant des compagnons, si ce n'est la parole de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit que d'obliger de jeûner le jour du doute, car ici c'est un jour de doute. Lorsque l'on ne voit pas le croissant de lune, il y a donc un doute si le mois de Ramadan est entré ou s'il n'est pas entré. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit qu'il n'y a rien dans les paroles de l'imam Ahmed qui prouverait l'obligation de jeûner ce jour de doute, ni dans aucune parole des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Au contraire, le madhhab de l'imam Ahmed est l'autorisation de le jeûner, l'autorisation de ne pas le jeûner et de le jeûner. Et c'est également l'avis de l'imam Abu Hanifa et l'avis de beaucoup parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des tabi'in. ثم قال واختلفوا فيما إذا روي الهلال ببلد فهل يلزم الناس جميعا الصيام أم لا فالمشهور عن الإمام أحمد وتبعه وجوب الصوم على عموم المسلمين في أقطار الأرض لأن رمضان ثبت دخوله وثبت تحكامه فوجب صيامه وهو من مفردات مذهب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة أيضا وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه وأن لكل أهل بلد رؤيتهم وهو مذهب القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وإسحاق لما روى كريب قال قدمت الشام واستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فأخبرته فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى التفصيل وهو أنه إذا اختلفت المطالع فلكل قوم حكم مطلعهم وإن اتفقت المطالع فحكمهم واحد في الصيام والإفطار وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن المراكشي في كتابه العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال أنه إذا كان البعد بين البلدين أقل من 2,226 من الكيلومترات فالهلالهما واحد وإن كان أكثر فلا. Les savants ont également divergé sur la vision du croissant de lune dans un pays. Est-ce que l'ensemble des gens doivent jeûner ou non? Ce qui est connu dans l'avis de l'imam Ahmed, dans le madhhab de l'imam Ahmed, est l'obligation pour l'ensemble des musulmans, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur la terre, de jeûner. Car le mois du Ramadan est entré avec certitude. Ainsi, ces jugements entrent en vigueur, il est donc obligatoire de le jeûner. Et ceci fait partie des avis de l'imam Ahmed, du madhhab de l'imam Ahmed, mais également de l'imam Abu Hanifa. Et d'autres savants sont de l'avis que cela n'est pas obligatoire et que chaque pays a sa vision. Et c'est l'avis de Al-Qasim ibn Muhammad, de Salim ibn Abdullah et de Ishaq. Ils ont pour preuve ce qui est rapporté par Kouraïb, qui dit « Je suis parti au Cham. » Et le mois du Ramadan, واستهل رمضان وأنا بالشام. Le mois du Ramadan est sorti alors que j'étais au Cham. C'est terminé alors que j'étais au Cham. Nous avons vu le croissant de lune. Na'afwan. Et le Ramadan a commencé. Le Ramadan a commencé alors que j'étais au Cham. Nous avons vu le croissant de lune, Laylat al-Jumu'ah, la nuit du vendredi, c'est-à-dire le jeudi soir. Car les Arabes considèrent que la nuit précède le jour. Et donc lorsque l'on dit le Laylat al-Jumu'ah, c'est-à-dire la nuit qui précède le vendredi, et la nuit qui précède le vendredi, c'est le jeudi soir. Puis je suis parti à Médine, et je suis parti à Médine vers la fin du mois. Et Abdullah ibn Abbas m'a questionné, lui a posé des questions, puis lui a parlé du croissant de lune. Et il lui a dit, quand est-ce que vous avez vu le croissant de lune? Et Kouraïb lui a informé du jour. Abdullah ibn Abbas a dit, quant à nous, nous l'avons vu la nuit du samedi, c'est-à-dire le vendredi soir. Et nous n'avons cessé de jeûner jusqu'à compléter le mois de 30 jours ou de voir la lune, c'est-à-dire la lune, le croissant de lune du mois de... Quand on jeûne. Soit on jeûne 30 jours de Ramadan, soit on voit le croissant de Shawwal. Puis, Kouraïb a dit à Abdullah ibn Abbas, ne te contentes-tu pas de la vision de Muawiyah et de son jeûne? Muawiyah qui était le gouverneur du Sham. Et Kouraïb lui a dit, ne prends-tu pas en compte ou la vision de Muawiyah ne te suffit pas? Muawiyah qui était au Cham, ils ont vu quand le croissant de lune? Le jeudi soir. Et à Médine, ils l'ont vu le vendredi soir. Et Abdullah ibn Abbas a répondu, là, non, je ne la prends pas en compte. Ainsi nous a ordonné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim dans son Sahih. Et l'imam Shafi'i a un autre avis qui donne plus de détails. Quel est ce détail? C'est tout dépend de l'endroit où la lune se lève. Et il dit que chaque peuple a le jugement de al-matla'. Je ne sais pas comment traduire al-matla'. Al-Matla, c'est l'endroit où la lune est vue, et en fonction des pays, les endroits diffèrent. En fonction des pays, les endroits diffèrent. Donc si l'endroit où se lève la lune est le même, eh bien tous les pays qui ont ce même endroit où la lune se lève devront jeûner. Et si l'endroit où la lune se lève diffère, alors le jugement diffère. Et c'est également l'avis de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et Cheikh al-Bassam cite une parole du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ibn al-Murrakushi, qui est un savant marocain, dans son livre Al-Azb al-Zilal, fi mabahithi ru'yati al-Hilal, qui a fait un livre sur la vision du croissant de lune, et il dit que lorsque deux pays sont éloignés de plus de 2226 kilomètres, alors de moi, Afwan, si deux pays sont éloignés de moins de 2226 kilomètres, alors l'endroit où la lune se lève est le même pour eux. Et si les pays sont distancés de plus de 2226 kilomètres, alors ils ne sont plus dans la même, la lune ne se lève pas dans le même endroit, et donc ainsi les jugements diffèrent. Et donc ainsi les jugements diffèrent. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.